Section 16 de Le dossier 113 par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 16. Après plus de 20 années de mariage, Valentine de la Verberie, devenue Madame Fauvel, n'avait éprouvé qu'une douleur réelle. Encore était-ce une de ces douleurs qui, fatalement, nous atteignent en nos plus chères affections. En 1859, elle avait perdu sa mère, prise d'une fluctuation de poitrine, pendant un de ses fréquents voyages à Paris. Jusqu'au dernier moment, la vieille et redoutable comtesse de la Verberie avait conservé toute sa tête. Et quelques minutes avant d'expirer, elle disait à sa fille « Eh bien, ai-je eu raison de t'engager à te taire ? Ton silence m'a fait une douce vieillesse dont je te remercie. Il t'assure le plus paisible avenir. » Depuis, Madame Fauvel se plaisait à le répéter, elle n'avait plus eu un sujet sérieux de chagrin. Elle n'avait pas eu une occasion de verser une larme. Qu'avait-elle à souhaiter ? Après tant d'années, André restait pour elle ce qu'il était au premier jour de leur union. À l'amour qui n'avait pas diminué, se joignait cette intimité délicieuse, qui résulte d'une longue conformité de pensée et une confiance sans bornes. Tout avait réussi au gré de ce fortuné ménage. André avait voulu être riche. Il l'était, bien au-delà de ses espérances, bien au-delà surtout de ses désirs et de ceux de Valentine. Leurs deux fils, Lucien et Abel, beaux comme leur mère, noble cœur, vaillante intelligence, étaient de ces élus, qui sont la glorification de leur famille, et portent, au dehors, comme un reflet du bonheur domestique. Il était dit qu'il ne manquerait rien aux félicités de Valentine. Pour les heures de solitude, quand par hasard son mari et ses fils s'éloignaient une soirée, elle avait une compagne, une jeune fille accomplie, Madeleine, élevée par elle, qu'elle aimait comme ses propres enfants, qui avait pour elle les tendresses attentives d'une fille dévouée. Madeleine était une nièce de M. Fauvel, qui avait perdu ses parents, de pauvres honnêtes gens, quand elle était encore au berceau, et que Valentine avait voulu recueillir, peut-être en souvenir du pauvre abandonné de Londres. Il lui semblait que Dieu, pour cette bonne œuvre, la bénirait, et que Madeleine serait l'ange gardien de la maison. Le jour de l'arrivée de l'orpheline, M. Fauvel avait déclaré qu'il voulait lui ouvrir un compte, et en effet, il avait fait inscrire 10 000 francs pour la dot de Madeleine. Ces 10 000 francs, le riche banquier s'était amusé à les faire valoir d'une façon extraordinaire. Lui qui, pour son compte, n'avait jamais risqué une spéculation douteuse, il prenait plaisir à jouer sur les valeurs les plus invraisemblables avec l'argent de sa nièce. Ce n'était qu'un jeu, aussi y gagnait-il toujours, si bien qu'en 15 ans, les 10 000 francs étaient devenus un demi-million. Ils avaient donc raison, ceux qui enviaient la famille Fauvel. Même à la longue, les cuisants remords et les soucis de Valentine faisaient rêve. À la bienfaisante influence de cette atmosphère de bonheur, elle avait presque trouvé l'oubli et la paix de la conscience. Elle avait si cruellement expié sa faute, elle avait tant souffert d'avoir trompé André, qu'elle se croyait comme quitte avec le sort. Elle osait maintenant envisager l'avenir. Sa jeunesse perdue dans un brouillard opaque n'était plus pour elle que le souvenir d'un songe pénible. Oui, elle se croyait sauvée. Quand pendant une absence de son mari, appelé en province par des intérêts graves, un jour du mois de novembre, dans l'après-midi, un de ses domestiques lui apporta une lettre, remise chez le concierge par un inconnu, qui avait refusé de dire son nom. Sans que le plus vague pressentiment fît trembler ou hésiter sa main, elle brisa l'enveloppe et lut. « Madame, est-ce trop compter sur la mémoire de votre cœur que d'espérer une demi-heure d'entretien ? Demain, entre 2 et 3 heures, j'aurai l'honneur de me présenter à votre hôtel, Marquis de Clamerand. » Par bonheur, Madame Fauvel était seule. Une angoisse aussi affreuse que celle qui précède la mort étreignit le cœur de la pauvre femme à l'instant où, d'un coup d'œil, elle parcourut le billet. 10 fois elle le relut à demi-voix, comme pour se bien pénétrer de l'épouvantable réalité, pour se prouver qu'elle n'était pas victime d'une hallucination. À 10 reprises, avec une terreur approchant de la folie, elle prononça ce nom, si doux à ses lèvres autrefois, Clamerand, l'épellant, comme si elle ne l'eût pas connu. Et les 8 lettres qui forment ce nom éclataient devant ses yeux, avec les lueurs sinistres de l'éclair précédant la foudre. Ah ! Elle avait cru, elle avait espéré qu'il était oublié, ce fatal passé, qu'il était mort, à jamais anéanti. Folie ! Voici que tout à coup il se dressait devant elle, vivant, menaçant, impitoyable. Pauvre femme ! Comme si toutes les volontés humaines et divines réunies pouvaient empêcher ce qui fut d'avoir été. Et c'est alors de la sécurité, quand elle croyait au pardon de la destinée, en plein bonheur, qu'éclatait la catastrophe, brisant en 1000 pièces le fragile édifice de cette espérance. Ce n'est qu'après bien du temps qu'elle put recueillir ses idées, plus éparpillées que que les feuilles d'automne après l'ouragan, qu'elle put réfléchir. Alors elle commença à se dire qu'elle s'était alarmée trop tôt et inutilement. De qui était cette lettre? De Gaston, sans doute? Eh bien, quelle raison de trembler? Gaston, revenu en France, voulait la revoir. Elle comprenait ce désir. Mais elle connaissait assez cet homme, jadis tant aimé, pour savoir qu'elle n'avait rien à redouter de lui. Il viendrait, il la trouverait mariée à un autre, vieillie, mère de famille. Ils échangeraient un souvenir, un regret peut-être. Elle lui rendrait le dépôt qu'il lui avait confié, et ce serait tout. Mais elle était assaillie de doutes affreux. Révélerait-elle à Gaston qu'elle avait eu un fils de lui? Avouer, c'était se livrer. C'était mettre à la merci d'un homme, le plus loyal et le plus honnête certainement, mais enfin d'un homme. Non seulement son honneur et son bonheur à elle, mais l'honneur et le bonheur de son mari et de ses enfants. Se taire, c'était commettre un crime. C'était, après avoir abandonné son enfant, après avoir privé des soins et des caresses d'une mère, lui voler le nom et la fortune de son père. Elle se demandait quelle décision prendre quand on vint la prévenir que le dîner était servi. Mais elle ne se sentait pas le courage de descendre. Affronter les regards de ses fils était au-dessus de ses forces. Elle se dit très souffrante et gagna sa chambre, heureuse, pour la première fois, de l'absence de son mari. Bientôt, Madeleine inquiète accourut. Mais elle la renvoya, disant que ce n'était rien qu'un mal de tête et qu'elle voulait essayer de dormir. Elle voulait rester seule en face du malheur. Et son esprit s'efforça de pénétrer l'avenir, de deviner ce qui arriverait le lendemain. Il vint ce lendemain qu'elle redoutait et qu'elle souhaitait. Jusqu'à 2 heures, elle compta les heures. Après, elle compta les minutes. Enfin, au moment où sonnait la demie de 2 heures, la porte du salon s'ouvrit et un domestique annonça « Monsieur le marquis de Clamerand ». Madame Fauvel s'était promis de rester calme, froide même. Pendant sa dure insomnie de la nuit, elle s'était efforcée de prévoir et d'arranger à l'avance toutes les circonstances de cette pénible entrevue. Même, elle avait songé aux paroles qu'elle prononcerait. Elle devait dire ceci, puis cela. Mais au moment suprême, son énergie la trahit. Une émotion affreuse la cloua sur son fauteuil, sans voix, sans idée. Lui, cependant, après s'être respectueusement incliné, restait debout au milieu du salon, immobile, attendant. C'était un homme de 50 ans, à la moustache et aux cheveux grisonnants, au visage triste et sévère, ayant grand air, et portant avec distinction ses vêtements noirs. Remuée d'inexprimables sensations frissonnantes, Madame Fauvel le considérait, cherchant sur son visage quelque chose des traits de l'homme qu'elle avait aimé jusqu'à l'abandon de soi-même, de cet amant qui avait appuyé ses lèvres sur les siennes, qui l'avait pressé contre sa poitrine, dont elle avait eu un fils. Et elle s'étonnait de ne rien trouver chez l'homme mûr, de l'adolescent, dont le souvenir avait hanté sa vie. Non, rien. À la fin, comme il ne bougeait pas, d'une voix expirante, elle murmura « Gaston ?» Mais lui, secouant tristement la tête, répondit « Je ne suis pas Gaston, madame. Mon frère a succombé aux douleurs et aux misères de l'exil. Je suis Louis de Clamerand. » « Quoi ? Ce n'était pas Gaston qui lui avait écrit ? Ce n'était pas Gaston qui se tenait là, debout devant elle ?» Un frisson d'épouvante la secouait de la nuque au talon. Elle était prise de ces éblouissements qui saisissent au bord de l'abîme. Ce n'était pas lui. Et son accent seul, en balbutiant ce nom, Gaston, était le plus explicite des aveux. Que pouvait-il donc vouloir cet autre, ce frère, en qui Gaston autrefois n'avait pas eu, elle le savait, assez de confiance pour lui livrer leurs secrets? 1000 probabilités plus terrifiantes les unes que les autres se présentaient en même temps à sa pensée. Pourtant, elle réussit à dompter si promptement ses défaillances que Louis les aperçut à peine. L'affreuse étrangeté de sa situation, l'imminence même du péril, donnait à son esprit une lucidité supérieure. D'un geste nonchalant, elle montra un fauteuil à Louis, en face d'elle, et du ton le plus calme, elle dit « Alors, monsieur, veuillez m'expliquer le but d'une visite à laquelle j'étais loin de m'attendre. » Le marquis ne voulut pas remarquer ce changement subit. Sans cesser de tenir ses yeux obstinément fixés sur les yeux de Madame Fauvel, il s'assit. « Avant tout, madame, commença-t-il, je dois vous demander si nul ne peut écouter ce que nous disons ici. Pourquoi cette question ? Je ne crois pas que vous ayez à me dire rien que ne puisse entendre mon mari et mes enfants. » Louis haussa les épaules avec une affectation visible, à peu près comme un homme sensé aux divagations d'un fou. « Permettez-moi d'insister, madame, » fit-il. « Non pour moi, mais pour vous. Parlez, monsieur, parlez sans crainte. Nous sommes ici à l'abri de toute indiscrétion. » En dépit de cette assurance, le marquis approcha son fauteuil auprès de la causeuse de Madame Fauvel, afin de pouvoir parler bas, tout bas, comme s'il eût été effrayé de ce qu'il avait à dire. « Je vous l'ai dit, madame, » reprit-il, « Gaston est mort, ainsi que cela devait être, C'est moi qui ai recueilli sa dernière pensée. C'est moi qui l'ai choisi pour être l'exécuteur de ses suprêmes volontés. Comprenez-vous maintenant ? Elle ne comprenait que trop, la pauvre femme. Mais c'est en vain qu'elle s'efforça de pénétrer les desseins de ce visiteur fatal. Peut-être venait-il simplement réclamer le précieux dépôt de Gaston. Je vous ne rappellerai pas, poursuivait Louis, les funestes circonstances qui ont brisé la vie de mon frère et perdu son avenir. Si heureuse qui était votre vie, vous ne pouvez pas avoir oublié cet ami de votre jeunesse qui, sans hésiter, sans réfléchir, a donné sa vie quand votre honneur était menacé. Pas un des muscles du visage de Madame Fauvel ne bougea. Elle paraissait chercher dans sa mémoire à quelles circonstances Louis faisait allusion. « Vous avez oublié, madame ? » reprit-il d'un ton amer. « Je vais essayer de m'expliquer plus clairement. Il y a longtemps, oh, bien longtemps de cela, vous avez aimé mon malheureux frère. Monsieur ! Oh, il est inutile, madame. Gaston, faut-il que je vous le répète, m'a tout confié. Tout !» ajouta-t-il en soulignant le mot. Mais Madame Fauvel ne devait pas s'effrayer de cette révélation. Que pouvait être ce tout ? Rien, puisque Gaston était parti, sans la savoir enceinte. Elle se leva, et avec une assurance qui était bien loin de son cœur. « Vous oubliez, ce me semble, monsieur, » prononça-t-elle, « que vous parlez à une femme vieille maintenant, mariée et mère de famille. Il se peut que votre frère m'ait aimé, c'est son secret et non le vôtre. Si, jeune et inexpérimentée, je n'ai pas été parfaitement prudente, ce n'est pas à vous de me le rappeler. Il ne me le rappellerait pas à lui. Enfin, quel qu'ait été ce passé que vous évoquez, j'en ai depuis 20 ans perdu le souvenir. Ainsi, vous avez oublié ? Tout, absolument. Même votre enfant, madame ? » Cette phrase, lancée avec un de ces regards qui plongent jusqu'au fond de l'âme, atteignit Madame Fauvel, comme un coup de massue. Elle se laissa retomber sur la causeuse, en se disant « Quoi ? Il sait ? Comment a-t-il pu savoir ? S'il ne se fût agi que d'elle, certes elle n'eût point lutté. Elle se serait rendue à discrétion. Mais elle avait le bonheur des siens à garder et à défendre. Et dans le sentiment de ce devoir sacré, elle puisait une énergie dont jamais on ne l'eût cru capable. « Je crois que vous m'insultez, monsieur, » dit-elle. « Ainsi, c'est bien vrai ? Vous ne vous souvenez plus de Valentin Raoul ? Mais c'est donc une gageure !» Elle voyait bien maintenant que cet homme savait tout, en effet. D'où, peu lui importait, il savait. Mais elle était décidée, bien résolue à nier quand même, obstinément, à nier devant les preuves les plus irrécusables, les plus évidentes. Un instant, elle eut la pensée de chasser honteusement le marquis de Clamerand. La prudence s'arrêta. Elle se dit qu'il fallait au moins connaître quelque chose de ses projets. « Enfin, » reprit-elle avec un rire forcé, « où voulez-vous en venir ? Voici, madame. Il y a 2 ans, les hasards de l'exil conduisirent mon frère à Londres. Là, dans une famille, il rencontra un tout jeune homme du nom de Raoul. La physionomie, l'intelligence de cet adolescent frappèrent à ce point Gaston qu'il voulut savoir qui il était. C'était un pauvre enfant abandonné et, tous les renseignements pris, mon frère acquit la certitude que ce Raoul était son fils. « Le vôtre, madame. Mais c'est un roman que vous me récitez. »« Oui, madame, un roman, et le dénouement est entre vos mains. Certes, la comtesse, votre mère, avait pris, pour cacher votre secret, les précautions les plus minutieuses et les plus savantes. Mais les plans les mieux conçus pêchent toujours par quelque endroit. Après votre départ, une des amies que votre mère avait à Londres est venue la relancer jusqu'au village où vous étiez établi. Cette dame a prononcé votre vrai nom devant la fermière qui avait été chargée de l'enfant. » Tout était découvert. Mon frère a voulu des preuves, il s'en est procuré d'irrécusables, de positives. Il s'arrêta, épiant sur le visage de Madame Fauvel l'effet de ses paroles. À sa grande surprise, elle ne semblait ni émue ni troublée. Son œil souriait. « Et après ? » interrogea-t-elle du ton le plus léger. « Ensuite, madame, Gaston a reconnu cet enfant. Mais les Clamerand sont pauvres. C'est sur un grabat d'hôtel garni que mon frère est mort. Et je n'ai, moi, pour vivre, qu'une pension de 1200 francs. Que va devenir Raoul, seul, sans famille, sans protecteur, sans un ami ? Ces inquiétudes ont torturé les derniers moments de mon frère. En vérité, monsieur ? Je finis, interrompit Louis. C'est alors que Gaston m'a ouvert son cœur. C'est alors qu'il m'a ordonné de venir vers vous. Valentine, m'a-t-il dit ? Valentine se souviendra. Elle ne saurait supporter cette idée que notre fils manque de tout, même de pain. Elle est riche, très riche, je meurs tranquille. Madame Fauvel s'était levée. Cette fois, c'était bien évidemment un congé. « Vous avouerez, n'est-ce pas, monsieur ? » commença-t-elle, « que ma patience est grande. » Cette assurance imperturbable confondait si bien Louis qu'il ne répondit pas. « Je veux bien vous dire, poursuivit-elle, qu'autrefois, en effet, j'ai eu la confiance de M. Gaston de Clamerand. Je vais vous en donner une preuve. en vous restituant les parures de la marquise votre mère, qu'il m'avait confiées lors de son départ. Tout en parlant, elle avait pris sous un des coussins de la causeuse la bourse qui renfermait les bijoux, et elle l'attendait à Louis. « Voici ce dépôt, monsieur le marquis, dit-elle. Permettez-moi de m'étonner que votre frère ne me l'ait jamais redemandé. » Moi maître de soi, Louis eut laissé voir quelle surprise était la sienne. « J'avais mission, fit-il d'un ton sec, de ne pas parler de ce dépôt. » Sans répondre, Madame Fauvel étendit la main vers un cordon de sonnette. « Vous trouverez bon, monsieur, fit-elle, que je brise un entretien, accepté uniquement pour vous restituer des bijoux précieux. » Ainsi repoussé, monsieur de Clamerand ne crut pas devoir insister. « Soit, madame, prononça-t-il, je me retire. Je dois seulement ajouter que mon frère m'a dit encore, si Valentine avait tout oublié, si elle refusait d'assurer l'avenir de notre fils, je t'ordonne de lui contraindre. Méditez ces paroles, madame, car ce que je jurais de faire, sur mon honneur, je le ferai. » Enfin, madame Fauvel était seule, elle était libre. Enfin, elle pouvait, sans crainte, laisser éclater son désespoir. Épuisée par les efforts qu'il lui avait fallu faire pour rester calme sous l'œil de Clamerand, elle se sentait brisée de corps et d'âme. C'est à peine si elle eut la force de gagner, en chancelant, sa chambre à coucher et de s'y enfermer. Maintenant, plus de doute, ses craintes étaient devenues des réalités. Elle pouvait, avec certitude, sonder les profondeurs du précipice où on allait la pousser et où elle entraînerait tous les siens. Dieu seul, en ce péril immense, pouvait venir à son secours, la sauver. Elle priait. « Oh, mon Dieu, disait-elle, punis-moi, et j'adorerai le châtiment, car je suis bien coupable. Châtie-moi, car j'ai été mauvaise fille, mère indigne et épouse perfide. Frappe-moi, mon Dieu, mais ne frappe que moi. Que ta juste colère épargne les innocents, et pitié de mon mari et de mes fils. Qu'étaient ces 20 années de bonheur, comparées à cette heure de désespoir? Rien, un remords. Ah, pourquoi avait-elle écouté sa mère? Pourquoi s'était-elle tue? Plus d'espoir désormais. Cet homme qui venait de s'éloigner, la menace à la bouche, il reviendrait. Elle ne le comprenait que trop. Que lui répondrait-elle? Cette fois, elle avait réussi à dompter toutes les révoltes de son cœur et de sa conscience. Aurait-elle, un autre jour, la même énergie, le même empire sur ses sensations? Ce courage dont elle-même s'étonnait, elle le devait, elle-même le reconnaissait, à la maladresse de Clamerand. Que ne priait-il, au lieu de menacer? Il s'en était fallu de bien peu qu'elle se trahît, quand Louis avait parlé de Raoul. Ses entrailles avaient tressailli au nom du pauvre abandonné, qui expiait les fautes de sa mère. À l'idée que peut-être, il subirait les étreintes de la misère, tout son être frémissait d'une douleur aiguë. Lui, manqué de pain? Lui, son enfant? Et elle était riche, et tout Paris enviait son luth? Ah, que ne pouvait-elle mettre à ses pieds tout ce qu'elle possédait? Avec quelle délice elle lui épuisait les plus pénibles privations! Mais comment s'en se livrer, lui faire tenir assez d'argent pour le mettre à l'abri des difficultés de la vie? C'est que la voix de la prudence lui criait qu'elle ne devait pas, qu'elle ne pouvait pas accepter l'entremise de Louis de Clamerand. Se confier à lui, c'était se mettre à sa merci, soi et les siens, et il lui inspirait une terreur instinctive. Elle en était à se demander si vraiment il lui avait dit la vérité. En repassant dans sa tête le récit de cet homme, elle trouvait des lacunes et des invraisemblances presque choquantes. Comment Gaston, revenu en France, habitant Paris, pauvre autant que le disait son frère, n'avait-il pas redemandé à la femme le dépôt confié à la jeune fille? Comment, redoutant l'avenir pour leur enfant, n'était-il pas venu la trouver, puisqu'il la supposait riche à ce point que, mourant, il se reposait sur elle? Mille inquiétudes vagues s'agitaient dans son esprit. Elle était pleine de soupçons inexpliqués, d'indéfinissables défiances. Elle comprenait qu'une seule démarche positive la liait à tout jamais. Et alors, que n'exigerait-on pas d'elle? Un moment, elle eut l'idée de se jeter aux pieds de son mari et de lui tout avouer. Malheureusement, elle repoussa cette pensée de salut. Son imagination lui représentait l'atroce douleur de cet honnête homme, découvrant après plus de 20 années qu'il avait été odieusement joué. Trompé dès le premier moment, ne redouterait-il pas d'avoir été toujours abusé? Croirait-il à la fidélité de la femme en découvrant la perfidie de la jeune fille? Elle connaissait assez André pour savoir qu'il ne dirait rien et qu'il ferait tout pour étouffer cette horrible affaire. Mais s'en serait fait du bonheur de la maison. Il déserterait le foyer, les fils s'en iraient de leur côté, tous les liens de la famille seraient brisés. Des idées de suicide la hantaient alors. Mais elle comprenait que sa mort n'arrêterait pas l'implacable Clamerand et que, ne pouvant la déshonorer vivante, il flétrira sa mémoire. Par bonheur, le banquier était absent. Et les 2 jours qui suivirent la visite de Louis, Madame Fauvel put garder la chambre et personne ne s'aperçut de ses agitations. Si, pourtant, Madeleine, avec sa finesse de femme, devina qu'il y avait autre chose que la maladie nerveuse dont se plaignait sa tante et pour laquelle le médecin prescrivait toutes sortes de potions calmantes. Même, elle remarqua fort bien que cette maladie semblait avoir été déterminée par la visite d'un personnage à figure sévère, qui était resté longtemps seul avec sa tante. Madeleine pressentait si bien un secret que, le second jour, voyant Madame Fouvel plus inquiète, elle osa lui dire « Tu es triste, chère tante, qu'as-tu? Parle-moi! Veux-tu que je fasse prier notre cher curé de venir causer avec toi ?» C'est avec une aigreur bien surprenante chez elle, qui était la douceur même, que Madame Fauvel repoussa la proposition de sa nièce. Ce que Louis avait prévu arrivait. À la réflexion, ne voyant nulle issue à cette déplorable situation, Madame Fauvel, peu à peu, se déterminait à céder. En consentant à tout, elle avait une chance de tout sauver. Elle ne s'amusait pas. Elle comprenait bien qu'elle se préparait une vie impossible. Mais au moins, elle souffrirait seule. Et dans tous les cas, elle gagnerait du temps. Cependant, M. Fauvel était de retour. Et Valentine, en apparence du moins, avait repris ses habitudes. Mais ce n'était plus l'heureuse mère de famille, la femme au visage souriant et reposé, si assurée en son bonheur, si calme en face de l'avenir. Tout en elle décelait d'horribles inquiétudes. Sans nouvelles de Clamerant, elle l'attendait pour ainsi dire à chaque minute du jour, tressaillant à chaque coup de sonnette, pâlissant toutes les fois que la porte s'ouvrait, n'osant sortir dans la crainte qui se présentait en son absence. Le condamné à mort qui, chaque matin en s'éveillant, se dit « Sera-ce pour aujourd'hui ?» n'a pas de plus épouvantable angoisse. Clamerant ne vint pas, il écrivit, ou plutôt, comme il était trop prudent pour préparer des armes contre lui, il fit écrire un billet, dont seule Madame Fauvel pouvait connaître le sens, et où, se disant malade, il s'excusa d'être forcé de lui donner rendez-vous pour le surlendemain chez lui, à l'hôtel du Louvre. Cette lettre fut presque un soulagement pour Madame Fauvel. Elle en était à tout préférée à ses anxiétés. Elle était résolue à consentir à tout. Elle brûla donc la lettre en se disant « J'irai ». Le surlendemain, en effet, à l'heure indiquée, elle mit la plus simple de ses robes noires, celui de ses chapeaux qui lui cachait le mieux le visage, glissa dans sa poche une voilette et sortit. Ce n'est que fort loin de chez elle qu'elle osa prendre un fiacre qui la déposa devant l'hôtel du Louvre. Là, de nouvelles inquiétudes l'assaillirent. Recevant beaucoup, allant souvent dans le monde, elle était connue d'une foule de gens, et elle frémissait à l'idée d'être rencontrée. Que penserait-on si on l'apercevait à l'hôtel du Louvre avec cette toilette, ce chapeau antique et cette voilette épaisse? Certes, tous ceux qui la rencontreraient croiraient à une intrigue, à un rendez-vous, et ainsi elle serait perdue. Dans son inexpérience, c'était depuis son mariage, la première fois qu'elle avait besoin de se cacher. Elle faisait tout pour passer inaperçue, c'est-à-dire tout pour être remarquée. La chambre de monsieur le marquis Louis de Clamerant était, lui dit le concierge, au troisième étage. Elle s'élança, heureuse d'échapper à tous les regards qui lui semblaient s'attacher à elle. Et en dépit de minutieuses indications, elle se perdit dans l'immense hôtel et longtemps erra dans les interminables corridors. Enfin, elle arriva devant une porte au-dessus de laquelle était le numéro indiqué, 317. Elle s'arrêta, appuyant ses deux mains sur sa poitrine, comme pour comprimer les palpitations de son cœur qui battaient à se briser. Au moment d'entrer, au moment de résister cette démarche décisive, une frayeur immense l'envahissait, au point de paralyser ses mouvements. La vue d'un locataire de l'hôtel qui traversait le corridor mit fin à ses hésitations. D'une main tremblante, elle frappa, trois coups bien légers. « Entrez !» dit une voix. Elle entra. Mais ce n'était pas le marquis de Clamerant qui était au milieu de cette chambre. C'était un tout jeune homme, presque un enfant, qui la regarda d'un air singulier. La première impression de Madame Fauvel fut qu'elle se trompait. « Je vous demande pardon, monsieur » balbutia-t-elle, plus rouge qu'une pivoine. « Je croyais entrer chez monsieur le marquis de Clamerant. »« Vous êtes chez lui, madame, » répondit le jeune homme. Et voyant qu'elle ne disait mot, qu'elle semblait se demander comment se retirer, comment s'enfuir, il ajouta « C'est, je crois, Madame Fauvel, que j'ai l'honneur de parler ?» De la tête, elle fit un signe affirmatif. « Oui. » Elle frémissait d'entendre son nom ainsi prononcé. Elle était épouvantée par cette certitude qu'on la connaissait, que Clamerant avait déjà livré son secret. C'est avec une antiquité visible qu'elle attendait une explication. « Rassurez-vous, madame, » reprit le jeune homme. « Vous êtes en sûreté ici, autant que dans le salon de votre hôtel. Monsieur de Clamerant m'a chargé pour vous de ses excuses, vous ne le verrez pas. Cependant, monsieur, d'après une lettre pressante qu'il m'a fait tenir avant-hier, je devais supposer, je supposais... Lorsqu'il vous a écrit, madame, il avait des projets, auxquels il a renoncé pour toujours. Madame Fauvel était bien trop surprise, bien trop troublée pour pouvoir réfléchir. Or, le moment présent, elle ne discernait rien. « Quoi ? » fit-elle avec une certaine défiance. « Ses intentions sont changées ?» La physionomie du jeune interlocuteur de Madame Fauvel trahissait une sorte de compassion douloureuse, comme s'il eût reçu le contre-coup de toutes les angoisses de la malheureuse femme. Le marquis, prononça-t-il d'une voix douce et triste, renonce à ce qu'il considérait, à tort, comme un devoir sacré. Croyez qu'il a longtemps hésité avant de se résigner à aller vous demander le plus pénible des aveux. Vous l'avez repoussé, vous deviez refuser de l'entendre. Il n'a pas compris que les impérieuses raisons dictaient votre conduite. Ce jour-là, aveuglé par une injuste colère, il avait juré d'arracher à l'effroi ce qu'il n'obtenait pas de votre cœur. Résolu à menacer votre bonheur, il avait amassé contre vous de ces preuves qui font éclater l'évidence. Pardonnez, un serment juré à un frère mourant le liait. Il avait pris sur la cheminée une liasse de papier, qu'il feuilletait tout en parlant. Ces preuves, poursuivait-il, les voici, flagrantes, irrécusables. Voici le certificat du révérend Sedley, la déclaration de Mistress Dobbin, la fermière, une attestation du chirurgien, des dépositions des personnes qui ont connu à Londres Madame de la Verberie. Oh, rien n'y manque. Toutes ces preuves, ce n'est pas sans peine que je les ai arrachées à Monsieur de Clamerand. Peut-être avait-il pénétré mes intentions, et voici, madame, ce que je voulais faire de ces preuves. D'un mouvement rapide, il lança dans le feu tous les papiers. Ils s'enflammèrent et bientôt ne furent plus qu'une pincée de cendres. « Tout est détruit, madame, » reprit-il, l'œil brillant des plus généreuses résolutions. « Le passé, si vous le voulez, est anéanti comme ces papiers. Si quelqu'un à cette heure ose prétendre qu'avant votre mariage vous avez eu un fils, traitez-le hardiment de calomniateur. Il n'y a plus de preuves, vous êtes libre. » Enfin, aux yeux de madame Fauvel, le sens de cette scène éclatait. Elle commençait à comprendre, elle comprenait. Ce jeune homme qui l'arrachait à la colère de Clamerand, qui lui rendait le libre exercice de sa volonté, en détruisant des preuves accablantes qui la sauvaient, c'était l'enfant abandonné, Valentin Raoul. En ce moment, elle oublia tout. Les tendresses de la mère, si longtemps comprimées, débordèrent. Et d'une voix à peine distincte, elle murmura « Raoul !» À ce nom ainsi prononcé, le jeune homme chancela. On lui dit qu'il pliait, sous l'excès d'un bonheur inespéré. « Oui, Raoul » s'écria-t-il. « Raoul, qui aimerait mieux mourir mille fois que de causer à sa mère la plus légère souffrance. Raoul, qui versera tout son sang pour lui éviter une larme. » Elle n'essaya ni de lutter, ni de résister. Tout son être vibrait, comme si ses entrailles eussent tressailli en reconnaissant celui qu'elle avait porté. Elle ouvrit ses bras et Raoul s'y précipita en disant d'une voix étouffée « Ma mère, ma bonne mère, sois bénie pour ce premier baiser !» C'était vrai cependant. Ce fils, elle ne l'avait jamais vu. Malgré ses prières et ses larmes, on l'avait emporté, sans même lui permettre de l'embrasser. Et ce baiser qu'elle venait de lui donner était bien le premier. Après tant et de si cruelles angoisses, trouver cette joie immense, c'était trop de bonheur. Madame Fauvel s'était laissée tomber sur un fauteuil, et plongée dans une sorte d'extase recueillie, elle considérait avidement Raoul, qui s'était agenouillé à ses pieds. Combien il lui paraissait beau, ce pauvre abandonné. Il avait cette rayonnante beauté des enfants de l'amour, dont la physionomie garde comme un reflet de félicité divine. De la main, elle éparpillait ses beaux cheveux fins et ondés. Elle admirait son front blanc et pur, comme celui d'une jeune fille, ses grands yeux tremblants, et elle avait soif de ses lèvres si rouges. « Oh, mère, disait-il, je ne sais ce qui s'est passé en moi quand j'ai su que mon oncle avait osé te menacer. Lui, te menacer ? C'est que vois-tu, ma chérie, j'ai votre cœur à tous deux, à toi et à ce noble Gaston de Clamerand, mon père. Va, quand il a dit à son frère de s'adresser à toi, il n'avait plus sa pleine raison. Je te connaissais bien et depuis longtemps. Souvent, mon père et moi, nous allions rôder autour de ton hôtel. Et, quand nous t'avions aperçu, nous rentrions heureux. Tu passais et il me disait « Voici ta mère, Raoul. Te voir, c'était notre joie. Quand nous savions que tu devais te rendre à quelque fête, nous t'attendions à la porte pour t'apercevoir belle et parée. Que de fois l'hiver, j'ai lutté de vitesse avec les chevaux de ta voiture pour t'admirer plus longtemps. » Des larmes, les plus douces qu'elle eût versées de sa vie, inondaient le visage de Madame Fauvel. La voix vibrante de Raoul chantait à son oreille de céleste harmonie. Cette voix lui rappelait celle de Gaston, et elle lui rendait les fraîches et adorables sensations de sa jeunesse. Oui, en l'écoutant, elle retrouvait l'enchantement des premières rencontres, les tressaillements de son âme encore vierge, le trouble mystérieux des sens. Entre le moment où un soir, elle s'était abandonnée frémissante aux bras de Gaston et leur présente, il lui semblait qu'il n'y avait rien. André, ses deux fils, Madeleine, elle les oubliait, emportée dans ce tourbillon de tendresse. Raoul, cependant, continuait. « C'est hier seulement que j'ai su que mon oncle était allé te demander pour moi quelques miettes de ta richesse. À quoi bon ? Je suis pauvre, c'est vrai, très pauvre. Mais la misère ne me vante pas, je la connais. J'ai mes bras et mon intelligence. C'est de quoi vivre. Tu es très riche, dit-on. Qu'est-ce que cela me fait ? Garde toute ta fortune, mère chérie, mais donne-moi un peu de ton cœur. Laisse-moi t'aimer. Promets-moi que ce premier baiser ne sera pas le dernier. Personne ne saura rien. Sois sans crainte, je saurai bien cacher mon bonheur. » Et Madame Fauvel avait pu redouter ce fils. Ah, combien elle se le reprochait! Combien elle se reprochait aussi de n'avoir pas plus tôt volé au-devant de lui! Elle l'interrogeait, ce fils. Elle voulait connaître sa vie, savoir comment il avait vécu, ce qu'il avait fait. Il n'avait rien à lui cacher, disait-il. Son existence avait été celle des enfants des pauvres. La fermière, à qui on l'avait confié, lui avait toujours témoigné une certaine affection. Même, lui trouvant bonne mine et l'air intelligent, elle avait pris plaisir à lui faire donner une certaine éducation, au-dessus de ses moyens à elle et de sa condition à lui. À 16 ans, on l'avait placé chez un banquier, et à force de travail, il commençait à gagner son pain, quand un jour, un homme était venu qui lui avait dit « Je suis ton père !» et l'avait emmené. Depuis, rien n'avait manqué à son bonheur, rien que la tendresse d'une mère. Il n'avait vraiment souffert qu'une fois en sa vie, le jour où Gaston de Clameran, son père, était mort entre ses bras. Mais maintenant, disait-il, tout est oublié, tout. Ai-je été malheureux? Je n'en sais plus rien, puisque je te vois, puisque je t'aime. Le temps passait, et Madame Fauvel ne s'en apercevait pas. Raoul, heureusement, veillait. 7 heures! S'écria-t-il tout à coup. Cette exclamation ramena brusquement Madame Fauvel au sentiment de la réalité. 7 heures! Son absence si longue serait peut-être remarquée. Te reverrai-je, ma mère? Demanda Raoul au moment où ils se séparaient. « Oh oui » répondit-elle avec l'accent d'une tendresse folle. « Oui, souvent, tous les jours, demain !» C'était, depuis qu'elle était mariée, la première fois que Madame Fauvel s'apercevait qu'elle n'était pas absolument maîtresse de ses actions. Jamais encore elle n'avait eu occasion de souhaiter une liberté sans contrôle. C'est son âme même qu'elle laissait dans cette chambre de l'hôtel du Louvre, où elle venait de retrouver un fils, et il lui fallait l'abandonner. Elle était condamnée à cet intolérable supplice de composer son visage, de cacher cet événement immense qui bouleversait sa vie. Ayant eu quelque peine à se procurer un fiacre pour le retour, il était plus de 7h30 quand elle arriva rue de Provence, où on l'attendait pour se mettre à table. Monsieur Fauvel l'ayant plaisanté de ce retard, elle le trouva commun, vulgaire et même un peu niais. Telles sont les révolutions soudaines de la passion, qu'elle le jugeait presque ridicule pour cette confiance sans bornes qu'il avait en elle. Et c'est avec un calme imperturbable, sans trouble, presque sans effort, qu'elle, d'ordinaire si craintive, elle répondit à ses plaisanteries. Si enivrante avaient été ses sensations près de Raoul, que dans son délire, elle était incapable de rien désirer, de rien rêver au-delà du renouvellement de ses émotions délicieuses. Plus d'épouse dévouée, plus de mère de famille incomparable. C'est à peine si elle s'arrêtait à l'idée de ses deux fils. Ils avaient toujours été heureux et aimés, eux, ils avaient un père, ils étaient riches, tandis que l'autre, quelle compensation ne lui devait-elle pas? Encore un peu, et dans son aveuglement, elle eut rendu les siens responsables des misères de Raoul. Et nul remords, pas un tressaillement de conscience, nulle appréhension des événements. Sa folie était complète. L'avenir pour elle, c'était le lendemain, l'éternité, les 16 heures qui la séparaient d'une nouvelle entrevue. La mort de Gaston lui paraissait être l'absolution du passé, aussi bien que du présent. Mais elle regrettait d'être mariée. Libre, elle eût pu se consacrer tout entière à Raoul. Elle était riche, mais c'est avec bonheur qu'elle lui donnait son luxe pour la pauvreté avec lui. Ni son mari, ni ses fils ne soupçonneraient jamais les pensées qui l'agitaient. Elle était tranquille de son côté, mais elle redoutait sa nièce. Il lui semblait que, lorsqu'elle était entrée, Madeleine avait arrêté sur elle des regards singuliers. Se doutait-elle donc de quelque chose? Elle l'avait, depuis plusieurs jours, poursuivie de questions étranges. Il fallait se défier d'elle. Cette inquiétude changea en une sorte de haine l'affection qu'avait Madame Fauvel pour sa fille d'adoption. Elle, si bonne, si aimante, elle eut regret de l'avoir recueillie et de s'être ainsi donnée un de ces vigilants espions à qui rien n'échappe. Comment se dérober, se demandait-elle, à cette sollicitude inquiète du dévouement, à cette pénétration d'une jeune fille qui s'était habituée à suivre sur son visage la trace de ses plus fugitives émotions. C'est avec une indicible joie qu'elle découvrit un moyen à sa portée. Depuis 2 ans bientôt, il était question d'un mariage entre Madeleine et le caissier de la maison, Prosper Berthomy, le protégé du banquier. Madame Fauvel se dit qu'elle n'avait qu'à s'occuper de cette union et à la presser autant que possible. Madeleine mariée irait habiter avec son mari et lui laisserait la libre disposition de ses journées. Le soir même, elle osa parler la première de Prosper. Et avec une duplicité dont elle eût été incapable 4 jours plus tôt, elle arracha le dernier mot de Madeleine. « Ah, c'est ainsi, mademoiselle la mystérieuse, disait-elle gaiement, que vous permettez de choisir entre tous vos soupirants sans ma permission ? Mais, ma bonne tante, il me semble... Quoi ? Que je devais deviner ? C'est ce que j'ai fait. Elle prit un air sérieux et ajouta. Cela étant, il ne reste plus qu'à obtenir le consentement de Maître Prosper. Le donnera-t-il ? Lui, ma tante ? Ah, s'il avait osé ! Ah, vraiment, tu sais cela, mademoiselle ma nièce ? Intimidée, confuse, toute rouge, Madeleine baissait la tête. Madame Fauvel la tira vers elle. « Cher enfant, poursuivait-elle de sa plus douce voix, pourquoi craindre ? N'as-tu donc pas deviné, toi, si rusé, que depuis longtemps ton secret est le nôtre ? Prosper serait-il donc admis à notre foyer, comme s'il était de la famille, s'il n'était d'avance agréé par ton oncle et par moi ?» Un peu pour cacher sa joie, peut-être, Madeleine se jeta au cou de sa tante en murmurant « Merci, oh merci, tu es bonne, tu m'aimes !» De son côté, Madame Fauvel se disait « Je vais sans tarder engager André à encourager Prosper. Avant 2 mois, ses enfants peuvent être mariés. » Malheureusement, emportée dans le tourbillon d'une passion qui ne lui laissait pas une minute de réflexion, elle remit ce projet. Passant à l'hôtel du Louvre près de Raoul une partie de ses journées, elle ne cessait de rêver aux moyens de lui préparer une position et de lui assurer une fortune indépendante. Elle n'avait encore osé lui parler de rien. À mesure qu'elle le connaissait mieux, qu'il se livrait davantage, elle croyait découvrir en lui tout le noble orgueil de son père et des fiertés si susceptibles qu'elle tremblait d'être poussée. Sérieusement, elle se demandait s'il consentirait jamais à accepter d'elle la moindre des choses. Au plus fort de ses hésitations, le marquis Louis de Clamerand vint à son secours. Elle l'avait revu souvent, depuis ce jour où il l'avait tant effrayé. Et, à sa répulsion première, succédait une secrète sympathie. Elle l'aimait pour toute l'affection qu'il témoignait à son fils. Si Raoul, insoucieux comme on l'est à 20 ans, se moquait de l'avenir, Louis, cet homme de tant d'expérience, paraissait vivement préoccupé du sort de son neveu. C'est pourquoi un jour, après quelques considérations générales, il aborda cette grave question d'une situation. « Vivre ainsi que le fait mon beau neveu, commença-t-il, est charmant, sans doute. Seulement, ne serait-il pas sage à lui de penser à s'assurer un état dans le monde ? Il n'a aucune fortune. »« Eh, cher oncle, interrompit Raoul, laisse-moi donc être heureux sans remords, que me manque-t-il ? Rien en ce moment, mon beau neveu. Mais quand tu auras épuisé tes ressources et les miennes, et ce ne sera pas long, que deviendras-tu ? Bast, je m'engagerai. Tous les Clamerans sont soldats de naissance, et s'il survient une guerre ? » Madame Fauvel l'arrêta, en lui mettant doucement sa main devant la bouche. « Méchant enfant, disait-elle d'un ton de reproche, te faire soldat ? Tu veux donc me priver du bonheur de te voir ? Non, mère chérie, non. Tu vois bien, insista Louis, qu'il faut nous écouter. Je ne demande pas mieux, mais plus tard, je travaillerai, je gagnerai énormément d'argent. À quoi, pauvre enfant ? Comment ? Dame, je ne sais pas, mais soyez tranquille, je chercherai, je trouverai. » Il était difficile de faire entendre raison à ce jeune présomptueux. Louis et Madame Fauvel eurent à ce sujet de longs entretiens, et ils se promirent bien de lui forcer la main. Seulement, choisir une profession était malaisé, et Clamerand pensa qu'il serait prudent de réfléchir, de consulter les goûts du jeune homme. En attendant, il fut convenu que Madame Fauvel mettrait à la disposition du marquis de quoi subvenir à toutes les dépenses de Raoul. Voyant en ce frère de Gaston un père pour son enfant, Madame Fauvel en était venue rapidement à ne plus pouvoir se passer de lui. Sans cesse, elle avait besoin de le voir, soit pour le consulter au sujet d'idées qui lui venaient, soit pour lui adresser 1000 recommandations. Aussi fut-elle très satisfaite le jour où il lui demanda de lui faire l'honneur de le recevoir chez elle, ouvertement. Rien n'était si facile. Elle présenterait à son mari, le marquis de Clamerand, comme un vieil ami de sa famille, et il ne tiendrait qu'à lui de devenir un intime. Madame Fauvel ne devait pas tarder à s'applaudir de cette décision, ne pouvant absolument continuer à voir Raoul tous les jours. N'osant, si elle lui écrivait, recevoir ses réponses, elle avait de ses nouvelles par Louis. Les nouvelles ne restèrent pas longtemps bonnes, et moins d'un mois après le jour où Madame Fauvel avait retrouvé son fils, Clamerand lui avoua que Raoul commençait à l'inquiéter sérieusement. Le marquis s'exprimait d'un ton et d'un air à donner froid au cœur d'une mère. Non sans embarras, pourtant, en homme qui, pour remplir un devoir, triomphe de vive répugnance. « Qu'y a-t-il ? » demanda Madame Fauvel. « Il y a, répondit Louis, qu'en ce jeune homme, je retrouve l'orgueil et les passions des Clamerans. Il est de ces natures dont rien n'arrête les emportements, que les obstacles irritent, que les représentations exaspèrent, et je ne vois pas de digue à opposer à ces violences. Grand Dieu, que peut-il avoir fait ? Rien n'est précisément blâmable, rien d'irréparable à coup sûr, mais son avenir m'effraie. Il ne sait rien encore de vos bontés pour lui. Il croit puiser à ma bourse, et je lui vois la prodigalité d'un fils de millionnaire. » Madame Fauvel n'eût pas été mère si elle n'eût essayé de prendre la défense de Raoul. « Peut-être êtes-vous un peu sévère, dit-elle, Pauvre enfant, il a tant souffert. Il n'a connu jusqu'ici que les privations, et le bonheur le grise. Il se jette sur le plaisir comme un affamé, sur un bon repas. Est-ce si surprenant? Allez, il reviendra promptement à la raison, il a bon cœur. Il a été si malheureux. Là était pour Madame Fauvel l'excuse de Raoul. C'est cette phrase que sans cesse elle répétait à M. de Clameron, toutes les fois qu'il se plaignait de son neveu. Et certes, ayant une fois commencé, il ne cessait de se plaindre. « Rien ne l'arrête, gémissait-il. Une folie qui lui passe par la tête est une folie faite. » Mais Madame Fauvel ne voyait là nulle raison d'en vouloir à son fils. « Souvenons-nous, disait-elle, que dès sa plus tendre enfance, il a été livré à ses instincts. Il n'a pas eu l'infortuné, une mère penchée sur son berceau, pour jeter en son âme le germe des bonnes pensées et des nobles sentiments. La voix ferme d'un père n'a jamais corrigé les écarts de sa jeune imagination. Il est excusable, il est vrai, mais il faut qu'il change. Ne sauriez-vous donc, madame, lui parler sérieusement, essayer d'obtenir quelque chose de lui ? » Elle promit, mais elle ne tint pas sa promesse. Elle avait si peu de temps à donner à Raoul qu'il lui semblait affreux d'employer ce temps en triste gronderie. Arrivant parfois bien décidée à suivre les conseils du marquis, elle ne s'en sentait plus la force dès qu'elle voyait Raoul. Ses regards fondaient ses plus solides résolutions. Parlait-il ? À sa voix, les noirs soucis s'envolaient. Mais Clameron, ainsi qu'il se plaisait à le dire, avait de ses principes arrêtés qui ne souffrent aucune transaction. Gaston était mort en lui léguant le soin de veiller sur Raoul. Il se considérait, affirmait-il, comme ayant charge d'âme. C'est pourquoi, voyant que ses efforts n'arrêtaient pas ce jeune imprudent sur une pente désastreuse, il somma Madame Fauvel d'user enfin de son influence. Elle devait, pour l'avenir de son enfant, entrer plus intimement dans sa vie, le voir tous les jours. « Hélas !» répondit la pauvre femme, « ce serait là mon vœu le plus cher. Mais comment faire? Ai-je le droit de me perdre? J'ai d'autres enfants auxquels je dois compte de mon honneur. » Cette réponse parut étonner le marquis de Clameron. 15 jours plus tôt, Madame Fauvel n'eut point parlé de ses autres fils. « Je réfléchirai, dit Louis. Peut-être à notre prochaine entrevue aurai-je l'honneur de vous soumettre une combinaison qui conciliera tout. » Les réflexions d'un homme de tant d'expérience ne pouvaient être vaines. Il paraissait fort rassuré quand il se présenta le jeudi suivant. « J'ai cherché, commença-t-il, et j'ai trouvé. Quoi ? Le moyen de sauver Raoul. » Il s'expliqua. Madame Fauvel, ne pouvant sans éveiller les soupçons de son mari, voir tous les jours son fils, il fallait qu'elle le reçût chez elle. Cette proposition seule fit horreur à une femme qui, certes, avait été bien imprudente, bien coupable même, mais qui était l'honneur même. Elle vit par la pensée Raoul introduit dans le sanctuaire de la famille, donnant la main à son mari, devenant, qui sait, l'ami de ses fils. Et tous ses sentiments honnêtes se révoltèrent. « C'est impossible ! » s'écria-t-elle. « Ce serait vil, odieux, infâme !»« Oui, » répondit le marquis devenu songeur, « mais ce serait le salut de l'enfant. » Mais elle sut pour cette fois résister. Elle résista avec une violence d'indignation, avec une énergie faite pour décourager une volonté moins ferme que celle du marquis de Clameron. « Non, » répéta-t-elle, « non, je ne saurais consentir !» Malheureuse ! Sait-on, quand on quitte le droit chemin, quelle boue et quelle fondrière on affronte ? Elle avait dit « jamais !» du plus profond de son âme. Et à la fin de la semaine, elle en était, non plus à repousser désespérément ce projet, mais à en discuter les moyens. Voilà où l'avait conduite une marche savante. Éperdue, harcelée, elle se débattait vainement entre les insistances poliment menaçantes de Clameron et les prières et les câlineries de Raoul. « Mais comment » disait-elle, « sous quel prétexte de recevoir Raoul ?»« Ce serait fort simple, » répondait Clameron, « s'il s'agissait de l'admettre comme on admet un étranger. J'ai bien l'honneur, moi, d'être des habitués de votre salon. Pour Raoul, il faut mieux. » Ce n'est qu'après avoir longtemps torturé Madame Fauvel, après avoir brisé sa volonté, presque sa raison, pas de continuelle alternative de terreur ou d'attendrissement, qu'il révéla son projet définitif. « Nous tenons, » dit-il enfin, « la solution du problème. C'est une véritable inspiration. » Elle devina bien à son accent qu'il allait découvrir le fond de sa pensée. Et elle l'écouta, avec cette lamentable résignation du condamné qui entend lire son arrêt. « N'avez-vous pas, poursuivait Louis, à Saint-Rémy, une de vos parentes, très âgée, veuve, n'ayant eu que 2 filles ? Oui, ma cousine de la Gorce. » « C'est cela même. Quelle est sa situation de fortune ? Elle est pauvre, monsieur, très pauvre. Précisément. Et sans les secours que vous lui adressez, en secret, elle serait à la charité. » Madame Fauvel n'en pouvait revenir devant le marquis si bien informé. « Quoi ? Balbutia-t-elle. Vous savez cela ? « Oui, madame, cela et bien d'autres choses encore. Je sais, par exemple, que votre mari ne connaît personne de votre famille, et que c'est à peine s'il se doute de l'existence de votre cousine de la Gorce. Commencez-vous à comprendre mon plan ? Elle l'entrevoyait, au moins, et elle se demandait comment résister. Voici donc, poursuivait Louis, ce que j'ai imaginé. Demain ou après-demain, vous recevrez de Saint-Rémy une lettre de votre cousine, vous annonçant qu'elle envoie son fils à Paris et vous priant de veiller sur lui. Naturellement, vous montrez cette lettre à votre mari, et quelques jours plus tard, il reçoit à merveille son neveu, Raoul de la Gorce, un charmant garçon riche, spirituel, aimable, qui fera tout pour lui plaire, et qui lui plaira. « Jamais, monsieur !» s'écria Madame Fonvel. « Jamais ma cousine, qui est une honnête femme, ne prêtera les mains à cette comédie révoltante. » Le marquis eut un sourire plein de fatuité. « Vous ai-je dit, demanda-t-il, que je mettrais la cousine dans la confidence ? Il le faudrait bien. Oh, que nenni ! La lettre que vous recevrez et que vous montrerez aura été dictée par moi à la première femme venue et mise à la poste à Saint-Rémy par une personne de confiance. Si j'ai parlé des obligations que vous avez à votre cousine, c'est pour vous montrer qu'en cas d'accident, son intérêt nous répond d'elle. Apercevez-vous encore quelque obstacle ? Madame Fauvel s'était levée, transportée d'indignation. « Il y a ma volonté, s'écria-t-elle, que vous ne comptez pas. « Pardon, fit le marquis avec une politesse railleuse. Je suis sûr que vous vous rendrez à mes raisons. Mais c'est un crime, monsieur, que vous me proposez, un crime abominable !» Clamerand lui aussi s'était levé. Toutes ses passions mauvaises mises en jeu donnaient à sa pâle figure une expression atroce. « Je crois, reprit-il avec une violence contenue, que nous ne nous entendons pas. Avant de parler de crime, rappelez-vous le passé. Vous étiez moins timoré le jour où, jeune fille, vous avez pris un amant. Il est vrai que vous l'avez renié, cet amant, que vous avez refusé de le suivre, lorsque pour vous, il venait de tuer deux hommes et de risquer l'échafaud. Vous n'aviez pas de ces préjugés mesquins, quand après un accouchement clandestin, à Londres, vous abandonniez votre enfant. On doit vous rendre cette justice que cet enfant, vous l'avez oublié absolument, et que, riche à millions, vous ne vous êtes pas informé s'il avait du pain. Où donc étaient vos scrupules au moment d'épouser M. Fauvel ? Avez-vous dit à cet honnête homme quel front cachait votre couronne d'oranger ? Voilà des crimes, et quand, au nom de Gaston, je vous demande réparation, vous vous révoltez ? Il est trop tard. Vous avez perdu le père, madame, vous sauverez le fils. Ou, sur mon honneur, vous ne volerez pas plus longtemps l'estime du monde. « J'obéirai, monsieur, » murmura l'infortuné, vaincu, écrasé. Et 8 jours après, en effet, Raoul, devenu Raoul de la Gorce, dînait chez le banquier, entre madame Fauvel et Madeleine. Fin du chapitre 16.